vivait la même peine. Ce n'était qu'un crève la faim qui vivait de l'air du temps, sans connaître le lendemain. Mais c'était un très bon vieux que j'aimais regarder. Il était très malheureux d'être le mal-aimé. Il chantait des journées entières toujours les mêmes refrains qu'il avait connus la guerre. En regardant d'un air inquiet les gens courir comme des dingues, la nuit tombée sur ses quais. Mais c'était un très bon vieux que j'aimais regarder. Il était très malheureux d'être le mal-aimé. Ce clochard qui vivait de charité dans un monde de salopards. Il avait sa philosophie qui vaut bien celle des PD et de tous ceux qui ont un lit. Avant de s'en aller, il m'a dit, tu sais petit,